toujours un peu surprenant des fois quand on lit les Écritures et on se demande hein, comment est-ce que la race humaine peut aller à certains points. Des fois, vous allez entendre l'être humain est bien méchant. Comment ils ont pu aller si bas? Comment ils ont pu faire de telles choses? Souvent, quand on va parler, mettons, des hommes comme Hitler, comment est-ce qu'il a pu faire mourir 6 millions de Juifs dans des faux crématoires, en les coupant quasiment en morceaux pour ramasser les dents, ramasser les cheveux? Comment est-ce qu'il a pu faire de telles choses? Et quand on lit l'Apocalypse, nous retrouvons où nous pouvons voir l'être humain mettre le comble à son péché. Mettre le comble à son péché. Et qu'est-ce qui va nous démontrer cela dans l'Apocalypse, que l'être humain va aller à son comble, hein, c'est que l'être humain va finalement adorer Satan. Si je me tournais dans la ville de Mont-Tremblant ce matin, puis je me dirais, je fais un petit sondage, je vais dans toutes les portes de la ville, puis je leur demanderais, est-ce que vous adorez Satan? Combien de gens vont me dire non, vous pensez? Quasiment tout le monde va dire non. Ça me surprendrait de trouver peut-être un adepte du satanisme ici. Ça se pourrait, on ne sait jamais, mais je dirais, en tout cas, 90 ans, qui regarde, quand dirait, ah non, jamais. Et si je leur demandais, pensez-vous qu'un jour, à la fin des temps, à la place d'adorer Satan, 99.9 vont dire, non. Pourtant, on lit les Écritures, on lit l'Apocalypse, et on voit que 100% des gens vont adorer Satan. Ouvertement, délibérément, volontairement. Ils vont prendre une position claire, précise, pour adorer Satan. Si tu me dis qui tu adores, je te dirai si tu es un croyant ou pas. Parce que le fondement de la foi chrétienne, la raison d'être de la vie chrétienne, c'est l'adoration. Et quand on dit à quelqu'un, repens-toi, je suis en train de lui dire, arrête d'adorer d'autres dieux, ou arrête de t'adorer toi-même, et tourne-toi vers Dieu pour l'adorer. C'est même les deux personnes avec qui je parlais du Seigneur, hein, il dit, laisse-moi te poser une question, il dit, je parle assez fréquemment avec des évangéliques, et des fois des baptistes, puis il dit, vous dites des choses, des fois, il dit, qui me surprend, puis je ne suis pas capable de croire que vous croyez ça. Il dit, je parle avec des chrétiens, puis ils me disent que, il n'a pas dit chrétien, il dit évangéliste. Il fait une différence. Il dit, je parle avec des évangélistes, puis ils me disent, ils disent qu'ils sont sauvés, un jour, ils sont sauvés pour toujours, peu importe ce qu'ils vont faire après, ils vont être sauvés pareil. Même s'ils viennent à faire des gaffes, à faire des péchés, même s'ils renient Dieu, ils vont être sauvés parce qu'ils sont sauvés, puis ils sont sauvés pour toujours. Et c'est ça que tu penses que les évangéliques croient. Il dit, ouais, c'est ça que j'entends, ce qu'ils me disent, c'est ça que je crois. Ben, c'est ça que les évangéliques croient. Je ne suis pas un évangélique. Ben, je dis, je ne crois pas ça. Ben, si tu ne crois pas ça, qu'est-ce que tu crois? Parce que dis-toi, là, tu ne dis pas ça, tu es sauvé pour toujours. J'ai dit, je te dis une chose, le salut de la Bible, le salut est éternel. Si tu l'as, tu l'as pour toujours. Ça, c'est sûr et certain. Mais j'ai dit, si je te dis en même temps, je suis un chrétien, je suis sauvé, mais en même temps, j'aime pas vraiment Dieu, puis ça m'intéresse pas Dieu, puis je fais ce que je veux, puis la vie, c'est pour faire ce qu'on aime, puis je veux rien savoir de ça. Je te posais une grosse question, là. Qu'est-ce que tu penses vraiment? Qu'est-ce que tu crois vraiment? Mais il dit, il dit pourquoi d'abord, il y a des évangéliques qui disent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, puis là, après ça, leur vie change presque pas, ils sont sauvés pareil. Mais oui, non, il ne comprend pas, là. Il y a quelque chose qui ne saisit pas. Puis en même temps, il y a des choses, des fois, qu'on dit. Je me souviens, j'ai été sauvé, ça fait 28, 29 ans. Mon frère m'avait dit, quand tu es sauvé, après, peu importe ce que tu vas faire, tu vas être sauvé pareil. C'est pas, il n'était pas en train de me dire que tu peux faire la vie que tu voudras, puis jamais rien faire, puis tu vas être sauvé pareil. Ce qu'il était en train de dire, peu importe ce que tu vas faire, Dieu va te le pardonner pareil, parce que tu es déjà pardonné. C'est ce qu'il voulait dire. Mais la façon qu'on le disait, ça ne sortait pas aussi facilement que ça dans la tête. Puis moi, je me demandais à mon frère, même si je tue quelqu'un, Dieu va me sauver pareil. Il dit oui. C'était vrai dans un certain sens, mais c'était peut-être pas dit clairement. Assez clairement. Mais dans l'Apocalypse, ce qu'on va voir, c'est que si tu adores Dieu, tu vas au ciel avec lui pour l'éternité. Si tu n'adores pas Dieu, tu n'iras jamais au ciel. Dans l'Apocalypse, la grande question, c'est pas si, est-ce que j'ai la foi en Jésus, c'est est-ce que j'adore Dieu. Si j'adore pas Dieu, je suis un donné. Et si j'adore Dieu, je suis un sauvé pour l'éternité. Je vais vivre avec lui pour l'éternité. La Bible a différentes façons de dire « je suis sauvé ». Même la Bible a dit à quelque part, c'est par tes œuvres que tu seras sauvé et par tes œuvres que tu seras condamné. Hein? C'est bizarre, hein? Pourtant, il y a des versets qui disent ça. L'autre verset va dire, c'est par tes paroles que tu seras sauvé et par tes paroles que tu seras condamné. Parce que ça veut tout dire la même chose. Ça veut tout dire la même chose. C'est juste qu'il faut comprendre l'ensemble du Nouveau Testament puis dire, ben oui, c'est vrai, par mes œuvres, je vais montrer si je suis un croyant ou pas. Puis par mes paroles aussi, je vais montrer ça. Puis par le qui j'adore, je vais montrer ça aussi. Quand Dieu a parlé à Israël, le premier commandement, c'était quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Premier commandement de Dieu. C'est ça qui était le plus important. Si c'est ça, si tu fais le premier, les neuf autres vont être de soi. Ça veut dire que tu vas les faire tout le temps, mais ils viennent de soi. Si tu adores Dieu, tu ne fais pas d'autres idoles, d'autres images taillées pour les adorer. Tu adores Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'en feras pas d'autres images pour les adorer. Et tu vas servir, tu vas l'adorer, tu vas vouloir faire sa volonté. C'est automatique parce que tu as un seul Dieu dans ta vie. Combien de milliards de gens disent qu'ils croient en Dieu sans aucune réalité dans leur vie de tous les jours? Hein? Aucune réalité. Qu'est-ce que le mot « adorer » veut dire? On pourrait le traduire par le mot « prosterner ». En grec, le mot « proskuneo », prosterner, proskuneo, c'est se prosterner devant, face contre terre, pour te courber devant l'être qui est devant toi. Et pour un juif, il faisait ça seulement que devant Dieu. Je vais faire un autre homme. Et même, il pouvait mourir pour pouvoir se prosterner devant. Vous vous souvenez de Daniel, dans l'Ancien Testament, avec ses amis, ils ont dit, tu vas te prosterner devant la statue. Tu vas aller dans le feu. OK, je suis prêt à y aller. Je vais mourir dans la fournaise, s'il faut, mais je ne me prosternerai jamais devant la statue. Parce que mon Dieu, il dit non à ces affaires-là. J'adore Dieu, moi. Il n'y a un seul vrai Dieu. Et vous, à cause de son adoration, il a démontré qu'il était un croyant en Dieu. Moi, je vous dis une chose, tu ne peux jamais adorer Dieu sans devenir un chrétien. Tu ne peux jamais être un chrétien sans adorer Dieu. Ça va du soi, c'est impossible, un sans l'autre. Si tu me dis, j'adore Dieu vraiment, moi, je vais conclure que tu es un croyant. Je vais conclure que tu es un croyant. Le temps va me dire si tu comprends qu'est-ce que ça veut dire adorer Dieu. Mais c'est comme ça qu'on va le voir dans l'Apocalypse. Dans le ciel, si vous allez dans le ciel, dans l'Apocalypse, il y a plusieurs versets. Et les versets démontrent tous la même chose. Il y a juste une personne d'adorer dans le ciel. C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui est adoré dans le ciel. Mais Jésus est avec. Et Jésus est assis sur le même trône. Donc, il y a juste Dieu, parce que nous, on sait que Jésus est Dieu. Si on ne croit pas qu'il est Dieu, on va vous dire qu'il y a deux personnes d'adorer. Il y a Dieu, le Père, puis il y a Jésus, il est aussi adoré. Et nous, on sait qu'il n'y en a rien qu'un. Ça fait, ces deux font un ensemble. Donc, on peut dire qu'il y a juste Dieu d'adorer dans le ciel. Et vous allez, on va remarquer que ceux qui ne n'adorent pas Dieu, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas dans le ciel. L'adoration, c'est plus qu'un geste. L'adoration, c'est une attitude. Je pense que certains ce matin, si je vous avais donné une feuille, puis je vous avais dit, écris-moi trois lignes sur qu'est-ce que ça veut dire pour toi adorer Dieu, on aurait probablement eu des réponses différentes en grande partie. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment adorer Dieu? C'est très large, puis c'est très étroit en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis je m'adore? Qu'est-ce que je voudrais dire si ce matin, tu serais arrivé dans la salle ici, et les personnes qui étaient devant toi se seraient mis à genoux, le front sur qui touche le plancher. S'il avait fait ça, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir te dire à la personne? Qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce qu'on voudrait dire à cette personne-là si on ferait ça? Le respect, qui est là. Oh, il est plus grand que nous, hein? Il est plus grand que nous, il est plus important que nous. À part de ça, qu'est-ce qu'on voulait vouloir dire à cette personne-là en faisant ça? Faire n'importe quoi. Une espèce de forme de soumission. Anciennement, quand quelqu'un se prosternait devant un roi, savez-vous ce que le roi faisait? Il mettait le pied sur la tête. En démontant, j'ai tous les droits. Je suis au-dessus de toi. J'ai le droit de tout faire avec toi. Parce que tu es dans une position très vulnérable de te faire tuer. Dans certains passages de l'Ancien Testament, on faisait étendre les gens face contre terre pour lui couper toute la tête. Parce qu'on voulait démontrer c'était une forme de « je suis prêt à mourir, je suis très vulnérable. » Je peux faire n'importe quoi. Je suis dans une position de soumission, une position de respect, une position de « je suis un serviteur, je suis rien, toi t'es tout. » L'adoration, c'est ça. C'est une attitude de cœur devant une personne. C'est pas un geste. C'est pas un geste parce que je peux faire tous les gestes sans avoir l'adoration dans mon cœur. C'est un profond respect à l'intérieur ou une profonde admiration. Dans l'Ancien Testament, quand il voit Dieu, il n'essaie pas de se mettre à genoux. La Bible dit qu'il tombe à genoux. C'est comme si les jambes leur manqueraient. C'est pas que tu veux te mettre à genoux, c'est presque... Tu peux pas faire autrement. Tu vois Dieu et tu tombes. Parce que tu vas adorer Dieu à ce moment-là. C'est une position très, très, très significative pour une personne de se mettre à genoux face contre terre devant une personne. Et dans l'Apocalypse, on nous dit que ceux qui adorent de faux dieux vont être détruits. Regardez quelques versets de cela. Apocalypse 9, 20. N'as-tu qui va le lire? Les autres hommes qui ne furent pas tués par ce fléau ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, ne peuvent nous voir ni entendre marcher. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, pour adorer, il faut d'abord se repentir. Qu'est-ce qui est marqué là? Pas tué par le fléau, ne se repentir pas. Donc, ils ont continué à adorer leur faux Dieu, leurs idoles. C'est la repentance qui nous amène à l'adoration. Apocalypse 14, 7. Dans Apocalypse 14, 9. Il dit que ceux qui vont prendre la marque et qui vont adorer la bête, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont être jetés dans l'enfer, ils vont être détruits, ils vont être tourmentés au siècle des siècles. parce qu'ils ont adoré la bête. Toute personne qui adore quelque chose d'autre que Dieu va être détruite. Ils vont subir le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et ils seront tourmentés dans le feu et le soufre. Donc, automatiquement, ici, tout l'Apocalypse nous dit, et où pousse le chrétien, parce que, n'oubliez pas, c'est écrit à l'Église, fait un choix. Parce que vous, les chrétiens, quel choix qu'il y avait, dans le fond, pendant qu'il était là, sur la terre, ces églises-là? Si tu étais un citoyen romain, chaque année, tu devais produire quelque chose. Excusez-moi, je vais prendre mon petit bain, je vais m'asseoir, parce que j'ai mal dans le dos. Là, je m'aperçois que je me remplis, alors je reste debout trop longtemps. Qu'est-ce qu'il devait produire, le romain? Le citoyen romain. Pour avoir le droit d'être citoyen romain, il devait produire quelque chose. Les impôts? Non. Il devait produire un certificat comme de quoi il a adoré César. Il a fait un sacrifice à César dans l'année. Si n'importe quel Romain pouvait t'arrêter, un soldat, et te demander, bon, mets-nous ton papier comme de quoi tu as adoré César cette année. Parce que César est un dieu, hein, vous savez ça, dans ce temps-là, il était considéré comme un dieu. Puis on a fait des sacrifices à César. Si tu ne fais pas ton papier, t'es sujet à mort tout de suite. Et les chrétiens avaient un problème, là. Pas de papier, la mort. Donc, leur choix, c'était quoi? Qui est-ce que tu adores? Dieu ou un autre Dieu? César, en notre autre, mais César était juste un de ceux-là. Donc, le chrétien t'a confronté avec ça continuellement dans l'Empire romain. Dois-tu être adoré Dieu ou non, je dois adorer César? Puis là, ce matin, on va voir la même chose dans notre texte. Et là, ils vont vous demander votre papier encore une fois. Ça va revenir à la même place. Moi ta marque. As-tu ta marque? Non? Qui est-ce que tu adores? La bête ou Dieu? Moi, as-tu ton papier? As-tu fait ton sacrifice? Et il s'est dit, t'es un peu, c'est effacé, j'ai pris mon bain. Non. Et la question va se poser comme ça, comme c'est toujours été dans le fin fond, dans bien des pays dans le monde entier. Si tu n'adhères pas à la masse, les chrétiens ont été souvent mis en mort dans toutes sortes de religions, dans toutes sortes de façons, par toutes sortes de mouvements religieux, par toutes sortes d'affaires. Les chrétiens ont été mis en mort parce qu'ils n'adoraient pas les mêmes choses que les autres. Ils adoraient juste un Dieu quelconque. Si tu vas chez les musulmans et tu leur dis « t'adores Dieu » et « t'adores Jésus », c'est encore une fois la mort. Parce que tu n'adores pas Mahomet. Tu ne pries pas Mahomet. Mais la Bible nous dit en même temps que si on adore Dieu, on va avoir le droit à la résurrection et au règne avec lui. On va voir ça dans un passage, dans les derniers chapitres, que ceux qui n'ont pas adoré la bête, qui n'ont pas tourné leur regard vers la bête pour l'adorer, eux autres vont ressusciter, ils vont avoir droit à la résurrection et au règne avec Dieu pour l'éternité. Donc, tout va se jouer sur qui est-ce que j'adore? Qu'est-ce que j'adore dans mon être intérieur? Et ce matin, ce qu'on va voir, c'est qu'on va regarder quelques minutes comment est-ce que le dragon va convaincre le monde entier de l'adorer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui vont vous dire qu'ils n'adorent pas Satan, nous savons qu'ils l'adorent quand même. Mais dans le fond, tu adores Dieu ou Satan, un des deux. Là. Jésus a dit ça quand même dans Matthieu 6. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu dois choisir entre Dieu ou maman. Donc, même à ce temps-là, Jésus leur dit à son peuple, aux Juifs, à qui il s'adresse, qui est supposé d'avoir juste le vrai Dieu, Jéhovah, dans leur vie. Il leur dit, vous ne pouvez pas adorer deux dieux en même temps. Choisissez. Dieu ou maman, mais choisissez, il ne peut pas en avoir deux. Si tu aimes l'un, tu vas haïr l'autre. Mais voyez-vous, c'est fort, hein? Tu ne peux pas rester indifférent. Ah, ben, je vais prendre les deux, tiens, avec donc. John MacArthur, une fois, il dit dans une prédication, il prêche, mon gars, puis il donne un sermon sur l'évangélisation, puis gna gna gna gna, du coup, il y a un homme qui s'en vient voir après, il dit, oh, j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie. Tu vois? Ah oui, il dit, j'ai accepté ce matin, pendant que tu prêchais, j'ai vraiment accepté Jésus dans ma vie. Tu vois, c'est bon, ça? Il dit, ah, oh, il dit, ça va m'en faire un de plus. Un autre dans sa lignée de grands prophètes de Dieu qui va servir. Le jour, j'étais ici dans un magasin en ville, et le monsieur avait une belle, grosse image de Jésus dans sa shop, dans son petit affaire où il faisait réparer mon vélo. Ça me tracassait. Qu'est-ce qu'il fait avec un gros Jésus comme ça des années 1940 là, dans sa shop? Puis finalement, c'est devenu plus fort que moi. Puis j'ai demandé, j'ai dit, hey, j'ai dit, je vois une grosse image de Jésus. Es-tu croyant sous quelque forme? Ah oui, je crois en Jésus, bien gros, bien gros. Il dit, c'est mon plus gros mentor. C'est mon plus haut mentor. Je veux dire par là, ben il dit, j'en ai plusieurs, mais lui, c'est le plus haut. Mais oui, il en avait plusieurs. Il ne voulait pas choisir. Il voulait juste en avoir plusieurs. Mais tu ne peux pas en avoir plusieurs. Jésus dit, si tu en aimes un, tu détestes l'autre ou tu haïs l'autre. Donc, si tu aimes Satan, tu détestes Dieu. Si tu aimes Dieu, tu détestes Satan. Ça vient ensemble, cette affaire-là. Et c'est très radical, hein? L'Apocalypse, c'est très radical. C'est le ciel ou l'enfer. C'est la vie ou la mort. C'est les ténèbres ou la lumière. C'est toujours, c'est très radical, la Bible. Il n'y a pas de milieu. C'est blanc ou c'est noir. Il n'y a pas de zone grise pour Dieu. Jamais, jamais, jamais. Apocalypse 13, 4, ils adorèrent le dragon. Apocalypse 13, 8, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Et dans Apocalypse 13, 12, c'est marqué, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Il fut, 13, 15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que, que l'image de la bête parlât et qu'elle fît tous ceux qui l'adoraient. Pas l'image de la bête furent tués. Donc, ça va être une question de vie ou de mort sur la terre à ce moment-là. Je ne sais pas quelle est votre croyance. Vous n'êtes pas obligé de me le dire. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils ne seront plus là sur la terre, fait qu'ils n'ont pas se poser de questions là-dessus. Ils ne seront plus là, les autres. La plupart des chrétiens qui sont sur la terre aujourd'hui, vivants, croient que quand ça va arriver, ils ne seront plus là. Donc, si c'est ça, vous pouvez dormir. Parce que ça ne s'adresse pas à vous. Vous n'êtes pas là. Mais il va certainement en avoir, parce que ceux qui vont prendre la mort, il y en a qui n'en prendront pas, ils vont être tués. Donc, il va certainement avoir des chrétiens à ce moment-là sur la terre. Hein? Peu importe d'où est-ce qu'ils viennent, ils vont en avoir. Des chrétiens sur la terre. Puis, ils vont être appelés à faire un choix. En deux personnages, adorer Dieu ou adorer la bête, hein, qui est représentant de Satan. Hein? Donc ce matin, ce qu'on va voir pendant les 15-20 minutes qui nous restent, comment il va s'y prendre pour les emmener à l'adorer? Parce que comme je disais tout à l'heure, je passe dans la ville de Mont-Tremblant et je leur demande, pensez-vous qu'un jour vous allez adorer la bête? Ils vont tous dire non. Donc comment est-ce qu'il va s'y prendre pour les emmener à le faire? Parce qu'il ne va pas les forcer, il ne va pas les casser le bras. Personne ne peut le forcer. Parce qu'il pouvait le faire, il fait longtemps qu'il l'aurait fait. Quand que Adam et Ève ont péché, puis qu'ils ont changé de camp, puis qu'ils ont adoré Satan, qu'ils ont pris Satan pour père, ils ne les ont pas cassés le bras. Ils les ont tentés, mais ils ne les ont pas cassés le bras. Ils ont fait un choix personnel. C'est encore de même aujourd'hui. Il n'y a personne qui peut blâmer Satan et dire, « Ah, ben là, moi, je n'avais pas le choix, Satan m'a forcé. » Pas dire ça. Il peut toujours dire Satan m'a tenté et pas dire Satan m'a forcé. Pas plus que Dieu. Donc, et comment il va venir là? Je me souviens une fois, j'avais dit ça à ma mère parce qu'on parlait de la fin des temps. Je dis, maman, elle dit, un jour, Satan va forcer l'humanité entière à l'adorer. Elle dit, il m'aura jamais. Elle ne pouvait pas comprendre qu'ouvertement elle dirait ça. Elle est décédée aujourd'hui. Mais elle ne peut pas saisir ça et comprendre ça. Et tous les gens religieux de la planète, pour eux autres, c'est une aberration. Voyons, non, c'est un jour où on va adorer Satan. Mais pourtant, on a lu, hein, la terre entière. C'est pas que la terre entière ne le fait pas maintenant. C'est que la terre entière, à ce moment-là, va le faire ouvertement et va déclarer sa foi dans ce personnage-là. Verset, chapitre 13, verset 1. « Il se tint sur le sable de la mer. » Ça, c'est qui? Satan, qui a été jeté du ciel sur la terre avec ses démons. Vous vous souvenez de la chapitre de la semaine passée? Garde dans le ciel, Michael prend Satan et ses anges et le lance sur la terre. Il n'a plus le droit d'aller dans le ciel. Et là, il est enragé, il est en colère, parce qu'il sait qu'il y a peu de temps. Là, il dit, « Il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur 7 cornes, 10 diadèmes. Les diadèmes, c'est des couronnes. Et sur ses 7 têtes, des noms de blasphème. Blasphème contre qui? Contre Dieu, bien entendu. Hein? La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Le dragon, c'est qui? Satan. Le dragon était jeté en dehors du ciel. Le dragon a donné une autorité à une bête qu'on va appeler communément l'antéchrist aussi. Hein? L'antéchrist. Et on l'appelle aussi la bête, la première bête. Il lui donna beaucoup de puissance. Il lui donne aussi quoi? Son trône et une grande autorité. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? » On va arrêter là pour le moment, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'il fait ici, le dragon? Qu'est-ce qu'il donne à la bête pour que la terre soit si enthousiasmée face à cette personne-là? Ou cette bête-là? Je pense qu'on est tous d'accord à dire que ce ne serait pas une bébite là, avec du poil. Hein? Je pense qu'on est plus évolué que ça, en tout cas je pense. Hein? Que tu ne découvrirais pas une bête là, qui va se promener dans le chemin avec cette tête et des cornes, puis on va se mettre à adorer ça tout d'un coup. Je ne pense pas que ça va être demain. Ici, on voit Daniel. Si on aurait le temps de lire le livre de Daniel, si vous voulez mieux comprendre l'Apocalypse, allez lire Daniel. Et les bêtes de Daniel représentent quoi? Des rois, des gouvernements en place. C'est toujours ça. Hein? Ici, ça va être une autorité, un homme ou un gouvernement. Et je crois que ça va être un homme, personnellement. Et cet homme-là va emmener ce qu'on appelle un nouvel ordre mondial. Un homme va diriger la terre entière. On va lui donner une grande autorité. Mais remarquez bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit que la bête, elle est blessée. Mais tout d'un coup, elle est guérie. Et le monde est impressionné par ça. Je vais vous poser une question. Si vous avez déjà étudié, fait des études en sociopolitique, quand est-ce qu'un pays accepte un dictateur? Quand ça va très mal, politiquement parlant et socialement parlant et financièrement parlant, ils sont en train de crever de faim. Ça va très mal. Et là, un dictateur prend place et il dit, « Moi, je vais vous nourrir, puis moi, je vais prendre soin de vous autres, puis moi, je vais... » Et là, il embarque dedans. Là, le couvercle, la tête, là, cette bébite-là, elle est blessée. Ça va mal. Et tout d'un coup, elle est mise dans une position, est-ce qu'elle va l'accepter, un dictateur? Cet homme-là, à ma compréhension, va sortir, hein, va se mettre en position et va prendre cette planète-là qui va tourner mal, qui va tourner pas rond, qui va avoir des problèmes, et il va lui donner une solution pour que ça tourne bien. Et le monde va croire ça. Le monde va dire, qui a autant d'autorité que cette bête-là? Qui est capable de se battre contre cette bête-là? Elle a tous les pouvoirs, elle a une grande autorité, elle est capable de faire de grandes choses. Quand on était dans une mauvaise position, Satan a guéri la position, a guéri la tête de la bête qui est blessée, et tout d'un coup, ce personnage-là se lève et amène une solution au problème du monde. Je me souviens toujours, il n'y a pas de, quand le 11 septembre, le 11 septembre, quand les avions ont atterri, M. Bush s'est présenté, il a fait un discours, il dit, il a parlé, il dit, nous sommes en train d'établir un nouvel ordre mondial. Il l'a dit carrément à la télévision, nous sommes en train de faire du monde une ville, un village, un pays, et on va le faire. On va le faire. Et un homme qui va se lever avec une solution quelconque, qui va dire, moi j'ai une solution pour le monde, pourquoi ça va si mal? Moi j'ai une solution pour qu'on arrête de s'entretuer. Moi j'ai une solution pour qu'on arrête de crever de faim, puis que tout le monde mange à sa faim. Il va amener une solution. Et on va le mettre en place. Mais ça va venir du dragon. Ils vont se mettre à adorer la bête parce que, hey, vous savez, moi je vous garantis, mes frères et sœurs, là je me lève pour le dire, ça va à peine. Si je me promène dans la ville ici, puis je donne 100 000 piastres à tout le monde, puis de la nourriture, puis tant qu'ils en veulent, tout le monde va tomber à genoux devant moi, je vous garantis. Je vous garantis. Surtout si j'aurais la capacité de vous donner la santé en plus, puis de vous donner tout ce que vous voulez, les êtres humains, hein? On aime ça dans ce temps-là. On est prêt à faire terre et monde pour quelqu'un qui nous donne tout ce qu'on veut. La preuve, c'est quoi? Écoutez tout le monde prier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à Dieu de leur donner ce qu'ils veulent. Et là, tout d'un coup, quelqu'un va arriver et va leur donner ce qu'ils veulent. Ils vont l'établir, ils vont dire, hey, qui peut faire plus que ça? Ce n'est Jésus qui a su sur la terre, quand il s'est mis à multiplier les pains, puis marcher, il s'est dit, tout le monde a venu à pleine face, on va l'établir comme un roi, on va le mettre le roi, on va le mettre le roi, on va le mettre le roi. Jésus dit, vous voulez me mettre au roi, pourquoi? Parce que je vous ai donné du pain à manger. Mais si vous me cherchez parce que je peux venir du pain spirituel, là, ça serait correct. Mais vous cherchez pour avoir juste du pain matériel. Hein? Ils avaient donné chacun 1 million, on pourrait dire ainsi, là. Mais quand quelqu'un va se lever comme ça, puis il va leur donner une réponse à leurs difficultés financières, physiques, matérielles, qui va amener la paix dans le monde, puis il va avoir une façon de le faire qui va convaincre les gens. Ils vont tous tomber à une face à terre devant cette personne-là. Première raison. Première raison. Il dit que le dragon a un pouvoir, moi j'appelle ça un pouvoir militaire, parce qu'il dit que qui va pouvoir combattre contre elle, qui va pouvoir s'aventurer contre nous maintenant. On a tout le pouvoir, on a toute la capacité. Et il va emmener les gens à blasphémer Dieu. On va dire ça au verset 5 et 6. Hein, on va lire 5 et 6 ensemble. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Donc, il lui est donné de blasphémer le nom de Dieu. Vous savez le vieux dicton qui dit « Si Dieu n'est pas contre moi, que le ciel me tombe sur la tête. » Vous avez déjà entendu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Ah, si Dieu est correct, là. Si Dieu n'est pas d'accord avec moi, mais tu me fasses tomber le plafond sur la tête. Ouais, c'est plus fort que moi. Puis si cet homme-là se lève, puis il blasphème contre Dieu, blasphème contre le ciel, blasphème contre l'idée de la religion, il n'y a personne qui lui fait quoi que ce soit. Personne ne le touche, personne ne l'arrête, personne ne le met à mort. Les années 50, si je me serais élevé ouvertement contre la religion catholique, mettons, qu'est-ce qui s'est arrivé? Vous serez fait zigouiller. Vous serez fait tuer. Dans cette, va du côté de l'Arabie, puis commence à parler contre Mahomet ouvertement sur le coin de la rue, on va te tuer. Puis là, cet homme-là va ouvertement blasphémer contre tout ce qui est religieux. Puis là, on va le voir, il va mettre une fin à la religion, un peu plus loin. Il va mettre une fin complètement à la religion, et personne ne va y toucher. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, ça se fait déjà, mais à une échelle plus petite. Regardez au verset 7 maintenant. 7b. 7 au complet, on va lire 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, de les vaincre. Il lui fut donné une autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de la vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Il va être donné par le dragon de faire quoi? Au verset 7. De faire la guerre aux saints et de les vaincre. Les vaincre. J'étais en train de lire un livre il n'y a pas tellement longtemps sur le Nouvel Âge. Et dans le livre, il disait que les seuls qui sont en train de bloquer la paix dans le monde, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens qui bloquent la paix dans le monde. J'ai dit, voyons, donc, qu'est-ce qu'il veut dire là? Parce qu'il dit, ils croient qu'ils sont les seuls qui vont aller au ciel. Ils croient qu'ils sont les seuls qui sont avec Dieu. Ils croient qu'ils sont les seuls qui ont un pouvoir de parler avec Dieu, de prier Dieu. Puis ils condamnent les autres. Ils disent que les autres ne sont pas corrects. Donc, c'est les seuls. Si on veut avoir la paix dans le monde, il faut les enlever. On prépare les gens, hein? Tranquillement, tranquillement, on est en train de dire, les seuls responsables, c'est les saints, c'est les croyants. Il faut les enlever de là, si on veut avoir la paix dans le monde. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Ça se fait tranquillement, ça se prépare dans la tête des gens. Il y a une femme qui a écrit à ma bru cette semaine sur Internet, elle lui a dit ça. Elle dit, si les chrétiens se mêleraient de leurs affaires, ça irait mieux dans le monde. Ça, c'est un à un, là, une petite échelle, hein, une personne à l'autre. Mais la personne lui a dit, si tu fermais ta grande gueule, ça irait mieux dans le monde. Mais quand un gouvernement qui a une grande autorité, quand une personne qui a une grande autorité dans le monde se lève et dit ça, il fait comme M. Bush, s'il n'y aurait pas de terroristes dans le monde, ça irait mieux dans le monde. Tu on l'autre la guerre. Puis on fait la guerre, puis on en tue des millions. Parce que tu as un grand pouvoir. Et nous autres, si on se lève et qu'on dit non, on devient, nous, les gens qui empêchent la paix, qui empêchent les gens d'aller bien, les gens de se sentir bien. Donc, on est l'obstacle à la paix, à la joie, au bonheur, à l'unité. On est l'obstacle. Donc, le dragon va donner, on a lu au verset 7, va donner le pouvoir aux gens d'avoir toute autorité et de vaincre et de donner l'autorité sur toutes les tribus du ciel, des peuples, des langues, de toutes les nations. Donc cet homme-là, ce personnage-là va devenir une autorité mondiale. Et quand tranquillement, il va prendre un contrôle sur les gens, et plus il va leur faire du bien, plus ils vont vouloir l'adorer. Plus il va leur faire du bien, plus il va vouloir l'adorer. Et Satan, des fois, je dis aux gens, quand les gens vont me dire, même chez les gens qui sont chrétiens évangéliques, ils disent, ah, Dieu m'a béni. Je dis, t'es-tu sûr que c'est Dieu? Il dit, on peut te donner un million, tu sais. Ça ne l'empêche pas pantoute. C'est pas toujours que c'est Dieu qui bénit quand ça va bien. À notre façon d'autre de penser le bien, là. C'est pas toujours que c'est Dieu, vous savez. Certains aussi peuvent faire ça. À la fin, il va le faire. Il va emmener, on va lire tout à l'heure, les gens vont crier, la terre entière va crier quoi? Paix, paix, paix, paix. Enfin, nous avons la paix dans le monde. C'est qui va emmener cette paix-là? C'est le diable. Imaginez-vous donc si un homme se leverait qu'elle a la capacité d'emmener la paix dans le monde entier. On l'adore tout de suite. Parce qu'on va dire, c'est Dieu qui fait ça. Dieu est avec lui pour faire ça. Donc, il va séduire les gens, il va les emmener à croire cela. Mais il dit quoi? Il dit que non, il y a une gang qui ne va pas l'adorer. C'est qui? Ceux dont le nom est écrit dans le livre de la vie. C'est ceux-là qui ne vont pas l'adorer. Donc, c'est une gang. Juste ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de la vie. C'est ceux-là qui ne vont pas l'adorer. Parce que pourquoi? Pourquoi ils ne l'adoreront pas? Parce qu'ils adorent déjà Dieu. Parce qu'ils adorent déjà Dieu pour le vrai, les autres. Mais tous les autres vont l'adorer parce qu'ils n'adorent pas Dieu vraiment. Ils n'adorent pas Dieu vraiment. Parce qu'ils vont, quand Satan va poser, parce que les autres, Je suis toujours surpris quand je lis les mouvements religieux dans le monde, j'écoute des émissions là-dessus, à quel point toutes les religions se ressemblent. Ils se ressemblent toutes. Ils sont tous après Dieu pour avoir ce qu'ils veulent. Peu importe le nom qu'ils donnent à leur Dieu. Et quand cet homme-là, ce personnage-là, avec la puissance de Satan, avec le trône de Satan, avec l'autorité de Satan va lui donner, il va établir il va s'établir en position d'autorité dans le monde. Thessaloniciens, il dit, jusqu'à s'asseoir sur le trône de Dieu. Il va se placer comme étant Dieu du monde. Si César le fait, faites-vous-en pas, il va le faire aussi. Là. Les gens vont l'adorer. Pourquoi? Parce qu'il va leur donner ce qu'ils veulent. Faisons attention, des fois, ce n'est pas à cause que Il nous est donné ce qu'on a demandé, que ça vient de Dieu. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Parce que les gens là, qui n'adoreront pas la bête, c'est ceux qui vont se faire malmener. On va les attaquer, on va les persécuter, on va les faire mourir. Et on va arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'il est déjà 11h. Mais la semaine prochaine, on va regarder cette fameuse marque. Mais l'important pour nous, c'est pas de penser à la marque. C'est quoi? C'est de penser, qui est-ce que j'adore? Parce que quand je vois que la marque va être offerte au monde, si j'adore la Dieu, si mon nom est dans le livre de la vie, que j'adore Dieu, il est marqué là, qu'ils ne font pas adorer la bête aux autres. Donc, l'important, c'est pas de savoir c'est qui la bête, c'est pas de savoir c'est quoi la marque, c'est pas de savoir est-ce que je vais la prendre ou pas. Je connais des chrétiens qui ont peur bleue de prendre la marque sans s'en rendre compte. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, François, il dit, si le gouvernement viendrait et voudrait mettre une marque sur la main, il la prendrais-tu? Du tout de suite. Ça ne me dérangerait pas en tout. À moins qu'il me demande d'adorer quelque chose d'autre que Dieu pour l'avoir. Là, je vais dire non. Mais s'il n'y a plus de papier, puis qu'au lieu d'avoir le papier, on met un étampe, puis j'achète avec ça, puis je vais acheter avec ça. Ça, ma carte de crédit, ça ne me change rien. Mais s'il me demande d'adorer Dieu pour adorer Satan pour l'avoir, ou d'adorer le système, ou n'importe quoi d'autre, puis de régner ma foi, là, je vais dire, non, monsieur. Et là, il dit, ils ne pourront plus acheter ni vendre. On voit ça la semaine prochaine. Mais l'important pour nous, c'est pas de savoir ce que tout ce. Des fois, les chrétiens, on perd tellement de temps à savoir c'est quoi toutes ces affaires-là. C'est pas ça qui est important. Des fois, il y a un chrétien qui dit, François, tu suis-tu les journaux pour voir ça? La fin s'en vient, là, on a des signes. Ah non, j'essaie de trouver les signes de Dieu, de trouver les signes des païens. Si j'ai les signes de Dieu, puis je comprends Dieu, puis j'aime Dieu, puis je cherche Dieu, quand ça va arriver, je vois pas ça au travers. Je me soucie pas pour ces choses affaires-là. Je me soucie surtout, est-ce que moi, je suis en train de servir Dieu pour adorer Dieu maintenant? C'est ça qui est important pour moi. Fait quand ces choses-là vont arriver, je sais que je vois pas ça au travers. Par la grâce de Dieu. Si je meurs, ben je vais mourir par la grâce de Dieu pareil. Je ne suis pas le premier à mourir pour la foi. Il y en a des millions qui sont morts avant nous. Donc, le Seigneur nous aide à avoir toujours nos regards à la bonne place. J'avais dit ça à un chrétien une fois. Sais-tu ce qui me tracasse? Il dit, quand tu parles d'Apocalypse? Il dit non. Il dit, tu parles plus longtemps, plus souvent de la bête que tu parles de Jésus. Il dit, parle-moi donc de Jésus dans l'Apocalypse. Parle-moi pas de la bête. Parle-moi pas de la bête. Ça ne m'intéresse pas. Je veux rien savoir de ça. Ce qui m'intéresse, c'est savoir que mon sauveur Jésus va un jour la prendre par le chignon du cou, puis il va l'envoyer dans l'enfer, puis il va l'attacher là, puis ça va être cette haine-là. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est voir. Moi, je ne peux pas la vaincre, la bête. Je ne peux rien y faire. Je ne suis pas plus fort que le démon. Je ne suis pas plus fort que le dragon. Je ne peux rien faire avec contre lui. Acceptez de croire au Seigneur Jésus-Christ. Si je crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui se bat contre le dragon. Ce n'est pas moi. Il se bat contre le dragon pour moi. Pour moi. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous voyons ce matin le diable se déchaîner. On l'a vu, hein? Il est sur la terre pour peu de temps. Il est dans une grande colère. Il va vouloir séduire toutes les nations. On l'appelle le grand séducteur. Il va réussir à séduire toutes les nations de la terre. Acceptez ceux dont tu as marqué leur nom dans le livre de la vie. Et ce matin, on se réjouit que notre nom est là. parce que nous croyons en toi, parce que nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'aimons. Et dans notre cœur ce matin, même si nos genoux ne tombent pas, notre cœur fléchit les genoux, notre cœur se prosterne devant toi. Et nous te disons que tu es notre Dieu, notre seul vrai Dieu. Et c'est sur là-dessus qu'on se confie. On ne se fie pas dans nos capacités, dans notre connaissance, dans notre compréhension de la politique ou quoi que ce soit pour vaincre ce système. Mais on se réfugie en toi. Tu es notre seul espoir. Jésus, Seigneur, de nous donner la grâce d'inverser notre monde, de dire à notre monde que le temps de la grâce a une limite, qu'il doit se convertir, qu'il doit se repentir de leur idolâtrie et se tourner vers toi. Donne-nous la grâce et la force de te glorifier en tout temps. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va se lever, si vous voulez bien. Et on va chanter un cantique qui dit, « Pour la ville, nous te prions. » Je ne sais pas si j'avais déjà entendu cela, mais c'est un beau cantique. Et pour que ça aille bien avec nous, mais j'ai fait un petit quelque chose spécial. Attends un petit peu, je vais faire partir de la musique. J'ai mis la vie Thank you. Bonne semaine à chacun. J'avais une annonce. Oui, oui. Et ils ont fait des autopsies, ils ne savaient pas de quoi c'était.